Les origines de la réforme, les 95 thèses de Martin Luther. Voici un texte tiré du manuel d'histoire du chanoine Dom H. Poulain, édition 1926, qui était un historien absolument hors pair et d'une connaissance aussi vaste que le monde lui-même. Les causes de la réforme sont nombreuses et complexes. Il y a d'abord la pauvreté parmi la population, les scandales religieux, le racisme dirigé vers les Italiens, la cupidité et les indulgences. Je cite le manuel, « L'Allemagne. À nulle part le clergé n'est plus riche, ni moins édifiant. Ce qui affaiblit le plus l'Église catholique, c'est la perte de la sacralité. Les fidèles voient trop de fils de prêtres devenir prêtres, trop de clercs s'enrichir aux dépens des laïcs, trop d'évêques vivant comme de grands seigneurs. Plusieurs ne portant même plus l'habit ecclésiastique s'adonnent celui-ci au commerce, celui-là à la guerre, oubliant même leurs vœux de célibat. Jamais l'Église n'a été aussi riche. Les paysans se regroupent en ligue. Ils regardent les abbés, qui sont grands propriétaires, comme leurs oppresseurs. Ils croient que la richesse de l'Église est la cause de leur pauvreté. Pour eux, la réforme sera cette révolution sociale qui doit opérer le partage des terres. Pensait-il, hein? Les terres n'ont pas été partagées du tout ensuite, hein? Également, il existe à l'époque, depuis très longtemps, un antagonisme naturel entre les Germains et les Italiens. La haine des Romains est un trait de caractère que Luther saura bien exploiter. Les abus de la fiscalité pontificale achèveront d'exaspérer l'anti-romanisme. Fin de citation. Voyez ce qui est arrivé à l'Église à cause de ceux qui exploitaient les gens financièrement. Eh bien, tous les évangélistes multimillionnaires, là, un jour, les chrétiens vont en avoir marre, ils vont tous les mettre dans un grand sac avec une pierre au fond et ils vont être lancés dans la mer. Plus personne n'aura confiance en eux. Et toutes les églises qui enseignent la prospérité vont se vider. Tôt ou tard, les gens vont se révolter contre ces évangélistes riches, tout comme la population de l'époque s'est révolté contre l'Église riche. Alors, on voit qu'au départ, les Allemands n'étaient aucunement intéressés par une réforme doctrinale de l'Église. Ils n'en avaient rien à foutre de ça, là. La réforme n'a été pour eux que l'occasion de donner libre cours à leur haine des Italiens et à leur jalousie des richesses de l'Église. Vous savez, les pauvres peuvent être aussi cupides que les riches et dans certains cas de bien pire encore. Les paysans illettrés, pour la plupart, se fichaient complètement de la Bible. Ce qu'ils voulaient, c'était se venger d'être pauvres. Se venger contre quelqu'un ou quelque chose, n'importe qui, mais se venger contre ceux que l'on croyait responsables. Alors, la scène sociale était prête. Il ne manquait qu'un chef à toute cette révolte. C'est donc dans un milieu préparé à l'entendre que Luther va apparaître. Tout a commencé avec les 95 thèses de Martin Luther. Toute ma vie, moi, j'ai rencontré des chrétiens qui montaient sur les tables en vantant les 95 thèses de Martin Luther et qui ne savaient même pas ce qu'elles contenaient. Les 95 thèses de Luther n'avaient rien de protestant. Je vous apprends quelque chose, hein? Il fait bien quelques petits reproches au pape, mais son discours n'a rien de protestant. Au contraire, il condamne les prédicateurs d'indulgence qui déforment le message du pape. Et il défend l'Église tout au long de ses thèses. Luther croyait aux indulgences, mais il protestait contre le fait de les vendre, c'est tout. Faites une recherche, là, sur le net, et lisez les 95 thèses. Vous allez voir que tout ce que je vous dis est vrai. Au départ, sachons qu'une indulgence n'est pas une permission de péché, comme en accusent beaucoup de protestants qui parlent sans savoir. Dans l'Église catholique romaine, l'indulgence est la rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine temporelle encourue en raison d'un péché qui a déjà été confessé, abandonné et pardonné. L'indulgence n'est pas une permission de péché, au contraire. L'indulgence est l'indulgence de Dieu. Elle ne se mérite pas. Elle est pur don gratuit de la divine miséricorde. Dans le sacrement du pardon, le péché est pardonné. Mais il reste le désordre causé par le péché, désordre qui nécessite réparation. L'indulgence est une grâce offerte par Dieu et qui sert de réparation. Quelquefois, les amis, nous péchons, et certains péchés peuvent encourir un châtiment de la part de Dieu. Dieu nous pardonne, oui, mais il reste un châtiment juste que nous avons déclenché et qui demande réparation. L'indulgence était une grâce offerte par l'Église et qui annulait un châtiment de Dieu à cause du péché. Alors déjà, pour être indulgencié, il fallait la confession, la repentance, l'abandon et le pardon de Dieu. Dieu pardonne les péchés et ils sont réellement effacés. Cependant, il demeure l'empreinte négative des péchés dans nos pensées. Il y reste parfois des sentiments de culpabilité qui nous tourmentent. Alors, comme je comprends la chose, l'indulgence vient compléter l'œuvre du pardon. Maintenant que je sais ce que c'est qu'une indulgence, moi, je n'y trouve rien de scandaleux. Bon, voici le résumé des 95 thèses. Ce serait trop long de les lire toutes ici, là, mais vous pouvez faire une recherche sur le net et les retrouver très facilement. De la première thèse à la neuvième, Luther insiste sur la repentance sincère pour être pardonné, ce que l'Église a toujours enseigné. De la dixième à la vingtième, il est question du purgatoire. En bref, il dit que les peines imposées aux pénitents ne suivent pas les morts au purgatoire après leur décès. C'est vrai dans le cas des pénitents. Ce n'est plus vrai dans le cas de ceux qui ne se sont pas repentis. Nous répondrons de tous les péchés dont nous ne nous serons pas repentis sur la terre. Ça, la Bible est claire, par exemple. Appelez ça comme vous voudrez. L'Église appelle ça le purgatoire. Vous pouvez l'appeler la géhenne, comme Jésus l'appelait. Vous pouvez l'appeler le Sheol, comme les Hébreux l'appelaient. Vous pouvez l'appeler l'Hadès, comme les Grecs l'appelaient. Appelez-le comme vous voulez. Mais il y a un feu quelque part après la mort pour ceux qui ont commis des péchés dont ils ne se sont pas repentis. Les thèses de 20 à 34. Luther dit que les indulgences ne sont pas efficaces pour pardonner les âmes du purgatoire. Je croirais que c'est vrai. De la thèse 35 à 37, il dit que tout chrétien a le droit au pardon de tous ses péchés sans qu'il ne leur soit accordé d'indulgence. C'est vrai. De 38 à 40. Nous pouvons les résumer par la 38, je cite, « Néanmoins, il ne faut pas mépriser la grâce que le pape dispense, car elle est une déclaration du pardon de Dieu. » Voilà ce qu'est l'indulgence pour Luther. Vous voyez, Luther doute de certains pouvoirs accordés aux indulgences, mais il y croit. Il y croit. De la thèse 41 à 47, je pense qu'il est intéressant de les lire, alors les voici. 41e thèse. Il faut prêcher avec prudence les indulgences du pape, afin que le peuple ne vienne pas s'imaginer qu'elles sont préférables aux bonnes œuvres de la charité. Voyez-vous, dans ces 95 thèses, Luther croit aux œuvres de charité, ce qu'il va renier plus tard. 42e thèse. Il faut enseigner aux chrétiens que dans l'intention du pape, l'achat des indulgences ne saurait être comparé à aucune manière aux œuvres de miséricorde. Il faut savoir que chez les catholiques, il ne se fie pas d'avoir été pardonné. Il faut réparation devant la justice de Dieu. Il fallait faire des œuvres de charité, des œuvres caritatives, pour combler les méchantes conséquences que nos péchés ont produits. Moi, je trouve ça fantastique. Mais l'indulgence te dispensait de faire ces œuvres en réparation. Et Luther ne trouvait pas ça correct, et il avait raison. 43e thèse. Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui donne aux pauvres ou prête aux nécessiteux fait mieux que s'il achetait des indulgences. Entièrement d'accord. Luther était parfaitement au diapason avec l'enseignement de l'Église pour en ce qui concerne les œuvres de charité et le salut. Thèse numéro 44. Car par l'exercice même de la charité grandit et l'homme devient meilleur. Que c'est beau ça! Les indulgences, au contraire, n'améliorent pas. Elles ne font qu'affranchir de la peine. Luther prêchait les œuvres de charité dans ses 95 thèses. Qu'est-ce que vous dites de ça? Thèse 45. Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui, voyant son prochain dans l'indigence, le délaisse pour acheter des indulgences, ne s'achète pas l'indulgence du pape, mais l'indignation de Dieu. Amen. 46. Il faut enseigner aux chrétiens qu'à moins d'avoir des richesses superflues, leur devoir est d'appliquer ce qu'ils ont aux besoins de leur maison plutôt que de les prodiguer à l'achat des indulgences. parfaitement biblique. Celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un incroyant. Il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Thèse 47. Il faut enseigner aux chrétiens que l'achat des indulgences est une chose libre, non commandée. 48 à 51, écoutez ça. Les indulgences sont bonnes à condition que le pape n'en fasse pas une affaire d'argent. Thèse 52. Les indulgences ne procurent pas le salut. Thèse 53 et 54. Il ne faut pas mettre l'emphase sur les indulgences dans les sermons. Thèse 55 à 60. Que le vrai trésor de l'Église n'est pas l'argent, mais les pauvres. De 60 à 68. Que l'Évangile est plus grand que les indulgences. Moi, je ne peux pas lire ces thèses-là sans sentir en moi de l'amour pour cet homme, pour sa droiture. Au début, il était un aimable réformateur, un véritable fils de l'Église. Thèse 67. Les indulgences dont les prédicateurs vantent et exaltent les mérites ont le très grand mérite de rapporter de l'argent. 68. Les grâces qu'elles donnent sont misérables si on les compare à la grâce de Dieu et à la piété de la croix. 69. Le devoir des évêques et des pasteurs, c'est-à-dire des prêtres, est d'admettre avec respect les commissaires des indulgences apostoliques. Vous voyez, Luther ne s'élevait pas contre l'Église, il ne parlait pas à l'Église irrespectueusement, il était soumis à l'Église et lui faisait simplement des corrections. Thèse 70. Mais c'est bien plus encore leur devoir d'ouvrir leurs yeux et leurs oreilles pour que ceux-ci ne prêchent pas leurs rêves à la place des ordres du pape. Les prédicateurs que le pape envoyait dépassaient leur mandat et abusaient des indulgences pour en tirer profit. Ils faisaient ce que le pape n'avait pas permis, là. C'est pas l'Église qui leur avait dit de faire ça. Thèse 71. Si quelqu'un nie la vérité des indulgences du pape, qu'il soit anathème. Vous voyez encore ici, Luther croyait aux indulgences et croyait au pape. Thèse 71. Mais béni soit celui qui s'inquiète de la licence et des paroles imprudentes des prédicateurs d'indulgence. 73. De même que le pape excommunie justement ceux qui machinent contre ses indulgences. Luther approuve l'excommunication de ceux qui parlent en mal des indulgences. 74. Il entend à plus forte raison excommunier ceux-ci sous prétexte de défendre les indulgences, machine contre la sainte charité et contre la vérité. Le pape avait dit à ceux qui avaient été envoyés de ne pas profiter financièrement des indulgences en disant qu'acheter des indulgences était préférable aux œuvres de charité envers le prochain, ce que l'Église n'avait jamais mandaté ces gens-là de prêcher. De 75 à 80, Luther a contre ceux qui placent les indulgences au-dessus des grâces de Dieu. Ce sont des arguments que les prédicateurs d'indulgence utilisaient pour soutirer plus d'argent. De 81 à 86, parce que les indulgences étaient mal prêchées, les gens ne comprenaient pas ce que l'argent venait faire dans le pardon des offenses. À raison, je voudrais. De 87 à 91, pourquoi les indulgences étaient gratuites auparavant et sont-elles payantes maintenant? N'avaient-elles pas la même vertu quand elles étaient gratuites? Il voulait faire réfléchir. De la thèse 91 à 95, il apparaît que si la prédication des indulgences avait capoté, eh bien la faute n'en revenait pas au pape, mais aux faux prophètes qui en avaient profité pour déformer les ordres du pape. Moi, je lis les 95 thèses, là, je ne peux pas m'empêcher de l'aimer, ce Luther. Ce Luther-là, je l'aime. Les réflexions qu'il fait et les arguments qu'il apporte sont totalement la vérité. Le jeune Luther aime les gens. Il ne veut pas voir que l'on profite d'eux. Il élève les œuvres de charité qui réparent les torts que nous avons causés en péchant. Oui, le jeune Luther était vraiment aimable dans son humilité, son intégrité et son droit à raisonnement. Je souligne ici que dans les 95 thèses de Luther, je le répète, il n'y avait rien de protestant doctrinalement, si ce n'est un peu le purgatoire, là. Voyons-nous que Luther n'en avait pas contre les indulgences, mais contre le fait qu'elles soient vendues. Il insiste aussi sur le fait que les œuvres de charité sont plus grandes et plus importantes que les indulgences. Tout au long de ses thèses, Luther défend le pape et il défend les indulgences. Ce qu'il condamne, ce sont ceux qui les prêchent mal et apportaient un discrédit sur la papauté. C'est très beau tout ça. Nous avons vu dans le message numéro 1 que l'Église, suite à ça, l'Église s'est réformée. Elle a réformé son clergé et elle a réformé les indulgences. Je cite ici le manuel d'histoire. Ensuite sont venues les questions doctrinales. Luther affirmait la corruption absolue de la volonté humaine et la destruction du libre arbitre par le péché originel. À l'égard du pape, il se montra d'abord très réservé. Le 30 mai, il envoie à Léon X une lettre très humble. Cité à Rome, il se déroba sous prétexte de pauvreté. Alors le pape Léon X l'autorisa bonnement à comparaître simplement à Augsbourg devant le cardinal Cajetan. Luther croyait être reçu à bras ouverts. Voilà qu'il est mis en demeure de se rétracter. Luther prit de façon très personnelle le fait de ne pas avoir été reconnu et approuvé. On le verra plus tard, même ses disciples disaient de lui qu'il avait un ego démesuré, je dirais même un orgueil allant jusqu'à la mégalomanie. Ce rejet le rendit très amer contre le pape. Le pape lui demande de se rétracter. Luther écrivit une lettre de soumission, mais qui ne contenait pas une rétraction formelle. Voici un court résumé de la lettre. « Dieu et toute créature me sont témoins que je n'ai jamais eu l'intention de combattre l'Église de Rome. » Ce qui ne l'empêchait pas de se demander deux mois plus tard, dans une lettre à Spalatin, si le pape est véritablement l'Antéchrist ou seulement son apôtre. Durant la seconde moitié du 15e siècle, la papauté est discréditée à cause de ses mœurs trop séculaires et les abus de sa fiscalité. Nulle part qu'en Allemagne, le haut clergé n'est plus riche ni moins édifiant. Possesseur du tiers des biens d'empire, évêque et abbé mènent une existence de grand seigneur, vivant dans un luxe effréné, ne portant plus l'habit ecclésiastique et méconnaissant la loi du célibat. Le peuple aigri par la pauvreté est prêt à sympathiser avec tout mouvement révolutionnaire. Le peuple avait le sang chaud, là, était prêt à tuer n'importe qui pour sortir de la pauvreté. On avait juste à pointer le doigt vers quelqu'un et c'était parti. Je continue à citer le manuel. Les paysans se groupent en ligue. Ils regardent les évêques et abbés, grands propriétaires, comme leurs oppresseurs. Pour eux, la réforme sera l'aube de cette révolution sociale qui doit opérer le partage des terres. Malheureusement, ce partage des terres n'est jamais arrivé. Les paysans, là, n'en avaient rien à foutre des doctrines de Luther. Ils voulaient du changement et c'est ce que Luther leur avait promis, hein? Les abus de la fiscalité pontificale achèveront d'exaspérer cet anti-romanisme. L'anti-romanisme était devenu une forme de patriotisme germain. L'antagonisme naturel des Germains et des Italiens, la haine des Romains, sera un trait commun à tous les réformistes, et Luther saura bien l'exploiter. C'est dans ce milieu, si préparé à l'entendre, qu'apparaît Luther. Voilà le prologue de la grande tragédie théologique du XVIe siècle. Fin de citation. Concernant Martin Luther et sa théologie, nous mettons souvent l'emphase sur ses débuts louables. Sa protestation contre l'exploitation financière que l'Église faisait sur le peuple à l'époque. Aujourd'hui, concernant Martin Luther, nous le louons pour son intégrité, mais nous passons sous silence tout le reste. Après l'épisode des 95 thèses, il se passe quelque chose après sa rencontre avec le pape Léon X. L'animosité fut forte à ce point que Luther va apostasier. Il va maudire la papauté, maudire l'Église et tout ce qu'elle croit. Nous ne le reconnaissons plus. Tout le reste de sa vie sera désormais consacré à dénigrer, diaboliser, à quereller, à disputer avec animosité et même avec fureur contre à peu près tout ce que l'Église enseigne et représente. L'orgueil de Luther a été percé au cœur et il est sorti de cette entrevue papale avec une haine éternelle. On ne saura jamais ce qui s'est passé là. Il consacra ensuite le reste de sa vie à vouloir se venger par tous les moyens. Le but de sa vie n'était plus de réformer l'Église, mais de la détruire, la raser jusqu'à ses fondements. Il est reparti de sa rencontre avec le pape avec un désir de vengeance absolument inassouvable qui va durer toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. Il a cherché scrupuleusement dans les Écritures tous les passages, petits ou grands, pouvant être utilisés à sens ou à contresens pour nuire à l'Église. Tout dans les Écritures a été utilisé pour arriver à ce but. La moitié de la théologie luthérienne est basée sur un orgueil blessé. Toute la vie de Martin Luther a été consacrée à la vengeance contre l'Église. Sa haine a commencé avec le pape. Ensuite, elle s'est étendue à tout le clergé de l'Église. Ensuite, elle s'est étendue à tous les catholiques, petits et grands. Aujourd'hui, des centaines de milliers de chrétiens sont entrés dans la haine de Martin Luther en ce qu'ils ont accepté ses interprétations falsifiées des Écritures, croyant marcher dans la vérité alors qu'ils ne font que participer au péché d'un autre. Et d'un très très vieux péché, parce que la réforme s'est produite il y a 500 ans, alors il serait un peu temps d'en sortir de ces souliers-là. On m'a accusé de vouloir réécrire l'histoire. Oui, je me permets de juger les livres d'histoire protestants. Il est plus que temps que quelqu'un le fasse et le dise. Luther s'est élevé contre le commerce d'indulgence et il a bien fait. Mais ses querelles avec le pape et toutes ses interprétations tordues, ainsi que toutes les tueries dont il a été à l'origine, alors que les livres d'histoire écrits par les protestants à propos de la réforme se sont bien gardés de nous révéler. Voilà ce que je ne peux accepter, puis voilà ce qui mérite d'être réécrit. L'histoire nous révèle aussi une chose. Tous les discours de Luther étaient remplis d'insultes, d'outrages, de clameurs, de calomnies, d'animosités et d'anathèmes à n'en plus finir. Dieu ne demande à personne d'adopter cette attitude horrible pour un chrétien. Il est impossible que ces choses viennent jamais de Dieu, car ce sont les armes de la chair. Jacques 1:20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est un orgueil démesuré et blessé qui a été le moteur derrière toute l'œuvre de Luther et non le Saint-Esprit de Jésus. L'Église catholique de l'époque était corrompue financièrement. Martin Luther s'est levé et lui a fait des corrections et il a bien fait d'ailleurs. Bossuet, qui a vécu à peine un siècle après la Réforme, a écrit « Considérez tant de royaumes arrachés du sein de l'Église par l'hérésie de ces derniers siècles. Ce sont nos indignes pasteurs qui nous ont jetés dans ce lieu de tourment où nous sommes. » Bossuet était un écrivain catholique. L'Église méritait d'être châtiée et elle l'a été. Plus tard, l'Église a reconnu ses abus et s'est réformée. Le travail de Luther était terminé. Il aurait dû s'arrêter là, simplement. Mais il ne s'est pas arrêté. Il s'est engagé dans un combat à mort avec l'Église et qui a dégénéré en des guerres horribles qui ont fait couler des fleuves de sang dans toute l'Europe. Et ça, mes amis, ce n'était pas le mandat divin. Lorsque le sang innocent coule, ce n'est jamais par ordre divin, mais l'œuvre du malin. Ce sont des démons qui fomentent les guerres sur la terre, jamais les anges. Apocalypse 16, 13 à 14. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la gueule du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Dieu n'emploie jamais la guerre pour agrandir son royaume, pas plus que la torture et autres horreurs. Et si Luther a fait couler le sang dans toute l'Europe, il est évident qu'il n'était plus dans le mandat divin. Soyons logiques. À l'époque de la Réforme, l'Église était devenue orgueilleuse et cupide et elle a eu besoin d'être châtiée. Elle a été humiliée par les thèses de Luther et elle s'est réformée elle-même par la suite, plus tard. Les choses auraient dû s'arrêter là. Les esprits impurs qui sont sortis de la bouche de Luther et de Calvin et des autres réformateurs ont appelé les peuples à la guerre et ont fait couler le sang. Ce sont les esprits impurs dans la bouche de ces hommes qui ont poussé les peuples à être séduits et à prendre l'épée. Je cite le manuel d'histoire. Dieu, pour punir l'instabilité de ses peuples, les a livrés à l'intempérance en sorte que la religion arbitraire est devenue la plus dangereuse de leurs maladies. Quand l'autorité de la religion est anéantie, Dieu menace les peuples qui altèrent la religion qu'il a établie de se retirer du milieu d'eux et parle de les livrer aux guerres civiles. Voilà comment il parle par le prophète Zacharie. Je ne serai plus votre pasteur, je vous abandonnerai à vous-même, que ceux qui demeurent se dévorent les uns les autres. Zacharie 11:9. Voici ce que Bossuet pensait de la réforme. Quand Dieu laisse sortir du puits de l'abîme la fumée qui obscurcit le soleil, selon l'expression de l'Apocalypse, c'est-à-dire l'erreur et l'hérésie. Quand, pour punir les scandales, il permet à l'esprit de séduction de tromper les âmes hautaines, il détermine dans sa sagesse profonde les limites qu'il veut donner au malheureux progrès de l'erreur. Fin de citation. Jésus, un jour, a dit à Catherine de Sienne, qui était prophétesse, elle avait souvent des révélations du Seigneur, et ça se passait bien avant la réforme. Je cite, « Il y a un tel débordement d'orgueil, surtout parmi ceux qui se croient sages, que ma justice ne peut attendre plus longtemps pour les confondre. Si alors ils s'humilient, s'ils se reconnaissent, je leur accorderai mes plus abondantes miséricordes. Ou ils seront réduits à tant d'autres hontes que le monde entier s'en moquera et les méprisera. C'est le châtiment ordinaire et très juste des orgueilleux quand ils se livrent au vent de l'orgueil pour s'élever au-dessus de moi-même. » Parole du Seigneur. Alors la réforme a été prophétisée, dans l'Église même. Mais elle n'a pas été prophétisée en tant que réforme, mais en tant que débordement d'orgueil dans le clergé. Il était question ici de châtiment que Dieu allait exercer sur les prélats de l'Église. Et le châtiment annoncé, c'était la réforme, le fléau permis de Dieu. Les thèses de Luther étaient bien, c'est par la suite que tout s'est gâché. En juillet 1518, Luther disait encore « L'Église romaine a toujours maintenu la vraie foi et qu'il est pour tous les chrétiens obligatoire d'être dans l'unité de la foi avec elle ». Tiré de l'Histoire des papes, tome 7, page 366. L'abbé Gabriel Bilcock, lui-même historien de l'Église, a dit « Oui, il y avait des désordres dans l'Église, mais ce n'est pas parce qu'il y avait des désordres que le protestantisme en est excusé. » Je cite mon manuel d'histoire maintenant. « Il écrit à Spalatin, cette phrase fameuse, signal de sa rupture. Les dés en sont jetés, je ne veux plus de réconciliation avec Rome pour l'éternité. » Est-ce que ça vous paraît là les paroles d'un homme qui voulait réformer l'Église? Un homme qui voulait du bien à l'Église? Non. Il écrit également, « Les chefs de la chevalerie, qui avaient pris son parti, là, m'ont affranchi de toute crainte humaine. » Fin de citation. Parce que Luther sentait qu'il avait des armées derrière lui maintenant, n'avait plus peur de s'opposer au pape. Luther avait une armée derrière son dos. C'est ce qui lui donnait tant d'assurance pour insulter l'Église. Luther cherchait un affrontement sanglant. Dans sa démence, il avait cru pouvoir renverser l'Église et implanter la sienne à la place. Voilà la simple et pure vérité historique. Le 15 juin 1520, Rome publie une bulle condamnant les principales erreurs de Luther. Il riposte. Le 14 octobre, il publie « La captivité de Babylone », où il traite d'Antéchrist le pontife romain. 4 ans après les 95 thèses de 1517, le 3 janvier 1521, Léon X lançait enfin l'excommunication. 4 ans! L'Église a vraiment été patiente avec lui, là. L'Église ne prend jamais de décision rapide. Tout est réfléchi, pesé, consulté, avant de prendre une décision. Mais quand la décision est prise, elle est en béton. L'empereur Charles Quint, qui ne voulait pas courir le risque d'une guerre civile, cite Luther à la diète de Worms. Mis en demeure de se rétracter, Luther répondit, « À moins d'être convaincu par des preuves d'écriture, car je ne crois ni au pape ni au concile, je suis lié par les textes que j'ai apportés et ma conscience est captive de la parole de Dieu. » Je ne puis ni ne veux rien rétracter parce qu'il n'est ni sûr ni convenable d'aller contre sa conscience. » Fin de citation. Pourtant, il n'allait pas tarder à y aller contre sa conscience. Quand il est allé se cacher au château de Wartburg, où il fut en proie aux angoisses intimes les plus profondes, sa conscience lui dit « Es-tu donc le seul sage? Tous les autres se sont-ils donc trompés? Est-il probable qu'ils aient erré si longtemps? » On parle de 1500 ans, là. et si tu avais égaré toutes ces âmes? » Il semble que pendant cette retraite forcée, Dieu fit une ultime tentative pour ramener Luther à la raison avant que les guerres n'éclatent. On comprend aujourd'hui la gravité de ce rappel à l'ordre lorsqu'on considère l'immense bain de sang dans lequel le monde d'alors fut plongé à cause des suites de l'œuvre de Luther. L'Esprit du Seigneur lui faisait des reproches sur tout ce qu'il faisait contre l'Église, mais ça ne l'a pas empêché de poursuivre son œuvre quand même. Je crois qu'à partir de ce point, Luther avait traversé la ligne et qu'il était maintenant réprouvé. La haine et l'orgueil de son cœur l'ont rendu totalement aveugle, sachant à partir de ce moment que le sang coulerait dans toute l'Allemagne. Il était désormais le pantin et la bouche du diable sur la terre. Mon manuel d'histoire dit encore ceci. Cependant, après la diète de Worms, Luther voit s'éloigner de lui ceux qui voulaient réformer l'Église sans se séparer d'elle. Érasme, par exemple, qui jusque-là avait loué la pureté d'intention de Luther, avait horreur de la révolution et du schisme. Après Worms, il se défendit de toute connivence avec l'hérésie. S'en prenant au fond même de la doctrine luthérienne qui nie la liberté de nature radicalement mauvaise, désormais, pour Luther, Érasme et ses semblables sont perdus pour l'éternité. Fin de citation. Ben oui, hein? Luther lance un anathème sur ceux qui ne sont pas d'accord pour le suivre, exactement comme font encore souvent les protestants d'aujourd'hui avec ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Le même esprit les anime. Combien de fois les protestants intégristes ont lancé des anathèmes sur moi, je ne pourrai plus les compter. Luc 9, 52-55. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement, mais on ne le reçut pas. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Voilà le même esprit qui animait Luther lorsque la papauté ne reçut plus ses enseignements. En conclusion, voilà en cours là, les vraies origines de la réforme. Un orgueil blessé, la rancœur, la rébellion, la haine et finalement les guerres. 35 ans de guerre horrible. Si vous êtes un vrai chrétien, vous qui m'avez écouté, maintenant vous connaissez l'esprit qui était derrière la réforme. Et vous savez qu'elle ne peut pas être venue du Seigneur. Ce n'est jamais en faisant couler le sang que Dieu accomplit un réveil spirituel, voyons. La réforme n'a jamais été un réveil spirituel, mais un réveil de ce qu'il y avait de pire en l'homme. Aujourd'hui, si vous honorez Martin Luther comme un grand homme, vous n'êtes plus ami de Jésus-Christ, mais vous avez renié l'amour et aimé la haine. Ce n'est plus l'Esprit-Saint qui vous guide, mais vos préjugés injustes contre l'Église. Écoutez la suite de cette série. Écoutez-la toute. Ensuite, vous vous ferez une opinion éclairée et vous ferez un choix qui vous suivra pour l'éternité ensuite. Alors, bonne réflexion. Amen.